of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the Jack of Diamonds, he may lay the Queen of Spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told her that I loved you, you made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing, like those who curse their luck in too many places. LNFM, l'esprit local. Soyez les bienvenus, merci d'être à l'écoute, merci de votre fidélité. Voici tout de suite le point sur l'actu, c'est votre toute info. Il est midi. Local sur LNFM avec Carrefour Market à Ferrières de Nice. Avec Carrefour Market et sa zone commerciale à Ferrières de Nice, les courses, c'est en famille. Un drive, une station service, location et lavage, traiteur et plus de 23 commerçants qui nous accueillent tous les jours avec le sourire. LNFM, l'info locale, Christophe Coriton. Bonjour à tous. Une dizaine de sapeurs-pompiers sont intervenus hier soir suite à un accident de la circulation survenu sur le pont de l'île de Ré. Cela s'est passé vers 21h. Un autre accident matériel est survenu sur l'autre voie. Il a totalement paralysé le trafic dans les deux sens de circulation. 4 personnes ont été légèrement blessées. Elles ont été prises en charge par les secours. Le conducteur qui a mortellement écrasé une cycliste jeudi dernier près de Maran a été interpellé. Il avait pris la fuite après l'accident survenu sur la route départementale 738 Terre. La gendarmerie qui avait lancé un appel à témoins a réussi à retrouver l'individu chez lui en Vendée. Placé en garde à vue, l'homme âgé de 36 ans a ensuite été mis en examen pour délit de fuite et homicide involontaire. Il risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Il a été placé sous contrôle judiciaire. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances du drame. Gare à l'arnaque au photovoltaïque sur l'île d'Oléron. La communauté de communes met en garde les habitants face au démarchage abusif. L'engouement pour l'énergie solaire est tel que les demandes sont de plus en plus importantes. Toutefois, avec ce vif intérêt, les pratiques douteuses se multiplient, risquant de compromettre le déploiement du photovoltaïque sur le territoire. Mais la collectivité veille au grain et conseille les administrés. Carole Effenberger. Sur l'île d'Oléron, de plus en plus d'habitants sont séduits par l'énergie photovoltaïque. Cela s'est traduit entre 2021 et 2022 par une explosion des demandes d'autorisation. La communauté de communes, qui dispose d'un service énergie-climat, est de plus en plus sollicitée à ce sujet. Cet engouement vertueux marque un signal fort en matière de transition énergétique sur le territoire. Reste à déplorer toutefois la recrudescence constatée des cas de démarchage abusif menés par des entreprises sans scrupules qui profitent de la situation et facturent des installations jusqu'à 3 fois le prix habituel, avec en plus un crédit à la consommation à taux élevé. Face à cette situation, la collectivité tient à rappeler quelques règles élémentaires à suivre pour mener à bien son projet. Tout d'abord, il convient de solliciter les entreprises et non l'inverse. Ensuite, il est indispensable de comparer les offres à travers l'élaboration de devis auprès d'au moins 3 entreprises différentes. Il est important de vérifier préalablement les agréments des sociétés consultées. Elles doivent en effet détenir la qualification RGE adaptée délivrée par un organisme de certification agréé. Naturellement, les entreprises locales qualifiées sont à privilégier. Enfin, il est à noter qu'en cas de signature d'un devis suspect ou de démarchage abusif, un délai de rétractation de 14 jours est obligatoire. La CDC de l'île d'Oléron se tient à la disposition des habitants pour les accompagner tout au long de leur projet. Et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 05 46 47 24 68 ou envoyer un mail à accueil@cdc-oléron.fr. Le Rotary Club de Royan se mobilise contre la dyslexie. Aujourd'hui et demain, le Club Service organise une vente de livres d'occasion pour aider l'association Fuseau France qui accompagne les enfants concernés par des troubles du neurodéveloppement, mais aussi pour aider les jeunes en difficulté psychologique. Le Rotary Club royanais équipera un enfant d'un ordinateur avec un programme adapté pour favoriser une scolarité inclusive. Rendez-vous est donné de 9h à 19h sur le parking d'Intermarché Val-Lumière à Vaux-sur-Mer. Un dimanche mouvementé pour les sauveteurs en mer de Royan. Avant-hier, 9 membres de la SNSM ont dû intervenir en milieu d'après-midi près du phare de Cordouan pour porter secours à 2 pilotes de jet ski qui sont entrés en collision. L'un est passé par-dessus l'autre en prenant une vague. Plus de peur que de mal pour les 2 vacanciers qui s'en sont sortis indemnes. Puis les hommes en orange sont partis à la recherche d'un kayakiste censé être en difficulté au large entre Royan et Vaux-sur-Mer. 1h30 de recherche pour rien, puisque les témoins n'ont pas prévenu les secours que le propriétaire du kayak était simplement parti se changer. Des résidus de pesticides ont été retrouvés dans l'eau du robinet à La Rochelle. Du chlorothalonil a été décelé en quantité importante dans les analyses réalisées par l'Agence régionale de santé le mois dernier, à hauteur de 1,9 microgramme par litre. Il s'agit d'une molécule issue de la dégradation du pesticide qui était très utilisé de 1970 à 2019 pour lutter contre les champignons et les moisissures dans les cultures. Le fongicide suspecté d'être cancérigène a été interdit en 2020. Si le taux dépasse la limite de la qualité de l'eau fixée, il reste largement inférieur au seuil de toxicité et ne représente pas de risque sanitaire. Opération de sensibilisation à la protection de la nature et des océans cette semaine sur le port de Boyerville à Saint-Georges-d'Oléron. L'association rochelaise Écomer propose à partir d'aujourd'hui des animations pour apprendre à préserver l'environnement et le milieu aquatique. 3 jours d'activités gratuites pour mieux comprendre la mer et mieux la protéger. Ce mardi, les volontaires sont invités à participer à une activité de ramassage des déchets. Demain, balade découverte sur le port et atelier de création d'objets en matière recyclée. Et jeudi, pasta-party avec des algues du Pertuis. L'événement Jazz en Feu de retour dès ce soir à la citadelle du château d'Oléron, labellisé site en scène par le département de la Charente-Maritime. Ce rendez-vous estival, qui en est à sa 37e édition, revient dans une nouvelle version plus concentrée, plus intense aussi, avec 2 spectacles pyrotechniques en fin de soirée. Présentation avec Micheline Humbert, adjointe au maire en charge de la culture. Cette édition 2023 a changé par rapport aux éditions précédentes où l'on était sur 3 ou 4 jours. On a réduit à 2 jours, mais on a réduit à 2 jours en proposant un double concert chaque soir et chaque soir un spectacle pyrotechnique. Alors ces 2 soirées, donc la soirée d'ouverture, à partir de 19h30, le premier groupe qui passera pour 1h, 1h10, sera Total Hip Replacement et Anilian Kofo. C'est un groupe danois et gabonais, c'est curieux, mais c'est une musique assez jolie, qui sera suivi par un groupe new-yorkais, La Ketchup. La Ketchup a été découvert, je crois, par les réseaux sociaux dans le métro de New York. Et il commence à être très très très connu en Europe. Et sur 3 dates en Europe cet été, nous sommes l'une des 3 dates, ce dont nous sommes assez fiers. Donc ce spectacle-là commencera à 21h et sera suivi par le spectacle pyrotechnique. Alors la soirée du mercredi 9, de la même façon que le mardi, il y aura 2 concerts. En première partie, Fish Baby, et en seconde partie, quelqu'un que nous avons eu l'année dernière, qui est Thomas Leleux, qui est un tubiste assez génial. C'est vraiment quelque chose de très séduisant. Et bien sûr, avec toujours le spectacle pyrotechnique pour finir. L'entrée est à 30€ par personne pour un soir et 50€ les 2. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Les places sont à réserver sur le site de l'Office de Tourisme à Marennes-Oléron ou à la Citadelle ce soir et demain dès 19h. Restauration et bar associatif sur place. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonjour à tous. Juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre avec 0,33 degrés de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre, juillet 2019. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le service européen Copernicus. Le mois dernier, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, a aussi connu une température de l'air de 0,72 degrés plus chaude que la moyenne récente entre 1991 et 2020. Pour les seuls mois de juillet, sur les 7 premiers mois de l'année, 2023 se classe pour l'instant comme la troisième année la plus chaude jamais enregistrée. Une nouvelle étude publiée hier dans la revue scientifique Nature Géosciences délivre de nouvelles estimations concernant la quantité de plastique présente dans les océans. Selon des équipes de chercheurs d'Allemagne et des Pays-Bas, la pollution plastique de nos océans est aujourd'hui plus faible qu'estimée par de précédentes études ces dernières années. Cependant, son chiffre reste très important et continue d'augmenter de 4% chaque année. L'étude précise aussi que la quantité de débris flottant à la surface des océans est-elle plus importante que prévu, suggérant une présence plus longue qu'imaginée des grands objets dans les océans. Un nouveau drame touche les fêtes de Bayonne après la mort d'un homme de 46 ans roué de coups par trois personnes pour leur avoir demandé de ne pas uriner contre le mur de son immeuble. Les quatre plaintes pour viol déposées entre le 26 et le 30 juillet. C'est une jeune femme de 19 ans qui a succombé à ses blessures ce week-end après un accident de la route survenu le 30 juillet dernier. Elle rentrait du rassemblement annuel dans les Pyrénées-Atlantiques en voiture avec trois amis. Triste nouvelle dans le monde de la petite reine, celui qu'on surnommait l'aigle de Tolède est décédé à l'âge de 95 ans. Grimpeur de renom, Federico Bahamontes fut le premier cycliste espagnol à s'imposer sur la Grande Boucle en 1959. Il aura accumulé 10 victoires d'étape sur les grands tours dans sa carrière, dont 7 rien que sur le Tour de France. Et puis en football, jour J pour les Françaises qui défient le Maroc ce mardi en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Coup d'envoi de la rencontre à 13h heure française. La météo sur Hélène FM avec Onis Piscine Spa sur Gers. Passez un été rafraîchissant en toute sérénité grâce à leurs conseils d'experts, produits, matériels et accessoires d'entretien. Rendez-vous chez Onis Piscine Spa, zone industrielle à Surgères. Hélène FM, la météo. Le retour en force du soleil aujourd'hui en Charente-Maritime. L'été est enfin là pour une période assez limitée puisque ça devrait de nouveau se dégrader cette fin de semaine. Ce mardi, la journée est bien dégagée, sans nuages à l'horizon. Le beau temps est bien là et les températures remontent avec des valeurs comprises ce matin entre 14 et 17 degrés. Comptez 22 degrés cet après-midi à La Rochelle, 24 à Maran et sur le bassin Marais-Oléron, 25 à Royan-sur-Gère et Saint-Jean-d'Angély, 26 degrés à Sainte. Côté plage, la mer est belle avec une eau à 20 degrés, marée haute à 10h56 avec un coefficient de 64, marée basse à 16h52, l'indice UV est de 8. Très bonne journée. L'info continue sur lnfm.com. lnfm.com. LNFM. Comment is that girl like? You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know. Your text bout to bounce. Karma is a fire in your house. And she bout to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch her put your ops on a throne. Got you waving pretty white flags. Feeling for that cash. Thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. So I keep my head up, my bread up. I won't let up. Promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that pageant. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma. thunder, rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice, karma is the queen. Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Karma et Taylor Swift, midi 13 minutes, votre karma va bien, tout va bien, vous êtes zen, hop, si ça ne va pas, on se détend. Oui, il y a l'auto-hypnose, hein. On essaye de trouver une position, les mains sur les genoux par exemple, et puis on respire et on souffle, voilà, pour se détendre, et après on s'énerve. Oui, bah, c'est ma façon de me calmer. Bon, soyez les bienvenus, merci d'être avec nous. Alors, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, belles vacances si vous y êtes. On se détend, on se fait plaisir, voici Dump avec Lil Grace, on a aussi un Right avec Sam Fisher et Just a Friend of Mine, souvenir avec Vaya con Dios. I feel sick when I look at you now. Don't know if this is guilt or resentment. Swiped off quick from that song you put out, 'cause I forgot to block you on my other account. Had this dream where I tried to reach out, but I wouldn't do that, and I don't wanna see you. You're so mean with your guilt trip and frown. God, I wish I had blocked you on my other account. You became a stranger so fast, just another pain in my ass. If it didn't play out like that, maybe I could take it all back. You're a little kid, man, grow up. Can't believe you thought this was love. Said you always get what you want. Only thing that you got was dumb. I feel sick when I think of the times you pick me up and play Phoebe on repeat. Feel so dumb that you got in my mind, but I guess it was easy, 'cause it's just what I'm like. And I try and I try, but it never makes sense how you could do that to a friend. Got what you want. Only thing that you got was dumped. LNFM. I'm gonna be alright, I'll say a thousand times until it takes over my mind. And I think I won't talk about it enough to make it real. My insides are shouting, but I can barely hear. Yeah. I've dug my heels in to stop the feeling, convinced it's something that will never show. Broken my cup, can't fill it up no more. But even if I don't believe it, it ain't real if I can't see it. I swear that I'm gonna be alright. I'll say a thousand times until it takes over my mind. And I think I'm gonna be alright. Make no mistake, I'll be just fine. At least I'll say it a thousand times until it takes over my mind. I'm gonna be alright. I'm gonna be alright. Mama said there will be days like this, but I don't understand. And there ain't nobody making sense. They'll never know who I am. But even if I don't believe it, it ain't real if I can't see it. No, but I'm gonna be alright. I'll say a thousand times until it takes over my mind. And I think I'm gonna be alright. Make no mistakes, I'll be just fine. At least I'll say it. Who would I be without it? I wanna see who I could be without it. I'm gonna be alright. I'll say a thousand times until it takes all of my mind. And I think I'm gonna be alright. He took her home in the early morning. She said, please Did you come inside? He said, who's that guy in a dressing gown? She said, he's just a friend of mine. Just a friend of mine. Just a friend of mine. He said, who's that guy in a dressing gown? She said, baby, don't you mind? He's just a friend. He's just a friend. He's just a friend of mine. Hélène FM. Hélène FM. Lover. That's all.

reflecting. Spirit, you've got to be, make it come to life. Let it into your heart. Always follow who you are. Come to life. Ah.

Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette. L'amour. Dorée, un équilibre parfait et quelques notes florales. L'équipe de la cave Le Relais des Vignes à Rochefort saura vous transmettre toute sa passion des vins. Découvrez une cave indépendante depuis 1985 et trouvez votre bonheur parmi de nombreux produits de qualité. Salle whisky et rhum, vin en vrac, coffret cadeau, spécialité locale, grande maison de champagne et dégustation. Rendez-vous à la cave Le Relais des Vignes, 33 avenue Colonel Fouleur à Rochefort. Ouvert du mardi au samedi. Plus d'infos sur la page Facebook. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau, beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouverais-tu les mots au-delà des fourbes

Vous l'avez entendu tout à l'heure, le mot de passe de l'été, il est passé et il repassera par là. Ah bah, ça sera tout à l'heure, peut-être dans l'émission de Bertrand Clizot, que vous allez retrouver à 16h pour la grande soirée. On se quitte avec Restez Femmes, Axel Red. Je vous embrasse et je vous dis à demain sur Hélène FM. Passez un bel été. Bye bye. Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Plus que mes bonnes noix, je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais savoir où tu es, qui tu vois, qui te sépare de moi, je ferais semblant. Et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi rester femme, vu ce qu'on l'a. J'abandonnerai mes séries à savon. Je ne te comparerai plus aux héros de mes pulp fictions. Oh non, mes discours de sécurité appartiennent au passé. Tu es qui tu vois, qui te sépare de moi. Je ferai semblant de croire tes mensonges. Et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi, l'esprit local. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonjour à tous. Les interrogatoires doivent permettre d'éclaircir le déroulé des faits. 5 membres de l'antenne du raid à Marseille dans les Bouches-du-Rhône ont été placés en garde à vue ce mardi matin. Selon le parquet de Marseille, ces gardes à vue interviennent sur commission rogatoire du juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 4 juillet dernier à la suite du décès dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier de Mohamed, âgé de 27 ans. Le corps de cet homme avait été retrouvé au pied de l'immeuble où réside sa mère dans la cité phocéenne et pourrait avoir été victime d'un tir de LBD en marge des interventions policières qui ont eu lieu lors des émeutes consécutives à la mort de Naël. La police judiciaire ainsi que l'inspection générale de la police nationale sont en charge de l'enquête. Le corps sans vie de Missa, un jeune homme de 23 ans, a été retrouvé flottant dans l'étang de Ber, une lagune méditerranéenne située à l'ouest de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Ce mardi matin, il avait disparu lors d'une sortie en jet ski depuis jeudi soir dernier. Originaire des Hautes-Nouf à Villiers, Missa était parti dans le sud avec un ami et 6 adolescents de leur quartier pour qu'ils profitent de quelques jours de vacances. Une enquête a bien sûr été ouverte. Juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec 0,33 degrés de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre, juillet 2019. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le service européen Copernicus. Les salariés en longue maladie acquièrent bien des congés payés pendant leur absence, selon un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a condamné l'État pour ne pas avoir transposé correctement une législation européenne vieille de 20 ans allant dans ce sens. Dans cet arrêt daté du 17 juillet et rapporté par les Échos ce mardi, la Cour donne raison aux syndicats CGT, Solidaires et FO qui estimaient que la France avait mal transposé une directive européenne de 2003 sur le temps de travail. Triste nouvelle, on le surnommait l'aigle de Tolède. Il est décédé à l'âge de 95 ans ce mardi. Grimpeur de renom, Federico Bahamontes fut le premier cycliste espagnol à s'imposer sur la Grande Boucle en 1959, sans oublier ses 6 victoires au classement de la montagne du Tour de France. Hélène FM, 13h-16h, l'esprit libre. Je rejoins tes rêves et l'on fuit au-delà de nos insomnies. Allons survoler la vie. Les jours nous séparent, mais ta voix me dit de rester avec toi. Allons danser sur les toits. Tes secrets nous éloignent, mais tant pis. J'aime quand ton sourire me séduit. Allons marcher sous la pluie. Les souvenirs lunaires sont-ils réels ou éphémères? Sommes-nous les seuls sur la terre? Au loin, notre avenir se dessine. Sur les mirages, on imagine qu'ensemble tout serait plus facile. Hélène FM. suis né Wolof. Dans les yeux de ma mère, comme dans le bleu de la mer, il n'y a pas de frontières, il n'y a que des frères jusqu'à l'horizon. Hey, je suis un citoyen du monde, pas citadin une seule seconde. Et de toutes les planètes à la ronde, il m'a semblé qu'ici c'était posé. Hey, j'ai le cœur océan, j'ai le cœur assez grand. Quand je regarde droit devant, je ne vois que des âmes qui déposent les armes. Le cœur ouvert aux quatre vents, j'ai scandé que je suis de partout et de nulle part. Je ne serai pas là où vous m'attendez, mais ici et là, tôt ou tard. Couleur de peau qui me dit que je dois choisir un drapeau. Tu sais, moi j'ai choisi le mien depuis longtemps. J'ai choisi le drapeau blanc car le vent a soufflé dans toutes les directions. La marée nous a porté loin de la maison. Ma maison c'est le vent désormais. Ma maison c'est les gens que toujours j'aimerais au présent. Et si le futur est proche, il ne me fait pas peur. L'avenir dans mes poches est de toutes les couleurs. Mes amis sont les oiseaux désormais. Les amis que j'avais se sont tous envolés. Vas-y le ciel, mélange tout. Ouais, mélange-toi, mélangeons-nous. Plus jamais aucun peuple à genoux, peuple à genoux. Je ne vois que des âmes qui déplorent les larmes. Le cœur ouvert aux quatre vents, j'ai scandé que je suis de partout et de nulle part. Je ne serai pas là où vous m'attendez, mais ici et là, tôt ou tard. On les voit lever le voile, tout leur est égal. partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Car nul ne résiste au charme doux de ce dernier rendez-vous. L'esprit libre. Ça prend des ponts aux amoureux et ça reste. répond aux familles de un commandant. C'est résistant, ça résiste, oh, pire existant, ça fait des bons et des méchants. Et sur le front, c'est sur les dents. Un commando, c'est dans tes yeux, ça me les larmes à sang et à feu. Dieu comme Rimbaud, beau comme un dieu, et dans son âme, ça brûle un peu. Un commando, ça prend sur soi et sur la peau, ça déçoit pas. Paris, c'est qu'on libre qu'il va. Un aigu sans suce au combat. Commandal, si un maître, si un mental, la main de l'on s'en va au bal, ça en dit long sur l'animal. Un commandant, ça tombe sous le sang, c'est juste un mot qui sent l'essence. Pleurer, ça fait bomber le torse, mais sans jamais mouiller la morse. Comment, comment, comment.

16h. L'esprit libre. Don't mind if you cry on my shoulder. Remember, remember the things that I told you. Darling, don't you cry, you're gonna be alright. Leave it all behind. Take it off your mind. I know you're fed to fight, but things are looking brighter. Let it go tonight. I know you need it, dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. Love is the answer. Yeah, yeah, yeah. When you need space, when you need time, when it gets heavy on your mind, when you lose faith, put your hand in mine. When it gets heavy, dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. My shoulder.

l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent, puisque le jour se lève, la tempête s'achève en murmure brûlant. Il s'était perdu dans l'obscurité profonde. Là, les étoiles se fondent au jour apparaissant. À leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. Le souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent. Une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux l'égarement des oiseaux qu'on relâche et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Au moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige.